Chapitre 115. La recommandation pour celui qui sert un groupe de gens de boire en dernier. 773. D'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui sert doit être le dernier à boire. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih.